loin. Il a eu la vie difficile. L'abondance a épuisé sa bourse. Un rien lui donne la nausée. Il n'a pas l'intention de prendre ton argent. Il veut te laisser être mort sur ton beau divan. Tu t'es appris derrière, les arrières et non servis.